la forge de l'esprit. L'atelier des rêves, où l'esprit se façonne, chaque pensée martelée, chaque idée résonne. Sur l'enclume du temps, les souvenirs se forgent, l'atelier de nos vies que les années corrigent. Nos âmes se façonnent sous le coup de marteau, chaque flamme de nos vies une nouvelle couronne. Les flammes qui jamais ne s'éteignent nous sculptent et nous forment dans un éternel règne. Nos âmes se façonnent sous les coups de marteau, chaque flamme de vie une nouvelle couronne. Les flammes qui jamais ne s'éteignent nous sculptent, nous forment dans un éternel règne. Les années sont des forges où nos vies se bâtissent, chaque preuve un métal que le temps politise. Sur l'enclume des jours, nos destins se modèlent. Dans le feu de l'existence, nos âmes se révèlent. Nos âmes se façonnent sous les coups de marteau, de chaque flamme de vie une nouvelle couronne. Les flammes qui jamais ne s'éteignent nous sculptent et nous forment dans un éternel règne. Les rêves sont des armes forgées dans l'imaginaire, chaque pensée une flamme, chaque idée un éclair. Sur l'enclume du temps, nos espoirs se construisent, dans le feu de l'esprit, nos vies se concrétisent. Nos âmes se façonnent sous les coups de marteau, chaque flamme de la vie. Une nouvelle couronne, les flammes qui jamais ne s'éteignent, nous sculptent et nous forment dans un éternel règne. Les souvenirs sont des pierres polies par les années, chaque instant une étincelle, chaque moment gravé. Sur l'enclume du cœur, nos mémoires se fondent, dans le feu de l'existence, nos âmes se répondent. Nos âmes se façonnent sous les coups de marteau, chaque flamme de la vie une nouvelle couronne. Les flammes qui jamais ne s'éteignent nous sculptent et nous forment dans un éternel règne. Les épreuves sont des forges où nos forces se révèlent. Chaque défi un métal que le courage martèle. Sur les enclumes des jours, nos destins se dessinent. Dans le feu de l'esprit, nos âmes se devinent. Nos âmes se façonnent sous les coups de marteau, chaque flamme de la vie, une nouvelle couronne. Les flammes qui jamais ne s'éteignent nous sculptent et nous forment dans un éternel règne. Les années sont des forges où nos vies se construisent, chaque instant un métal que le temps cristallise. Sur l'enclume du cœur, nos espoirs se forgent, dans le feu de l'existence, nos âmes se prolongent. Nos âmes se façonnent sous les coups de marteau, chaque flamme de la vie une nouvelle couronne. Les flammes qui jamais ne s'éteignent nous sculptent et nous forment dans un éternel règne.